Contre l'enlèvement collectif des citoyennes de la République populaire démocratique de Corée par les autorités sud-coréennes, l'association d'amitié Slovénie-Corée a lancé le 19 une déclaration, alors que le cercle des jeunes d'études du kimsunisme kimjongilisme de la province de la Haute-Autriche de l'Autriche a adressé le 18 une lettre de protestation à l'ambassade sud-coréenne en Autriche.